Bonne nuit, honnête Iago. Cassio sort. Et qu'est-ce donc qui dira que je joue le rôle d'un fourbe, quand l'avis que je donne est si loyal, si honnête, si conforme la logique, et indique si bien le moyen de faire revenir le mort? Quoi de plus facile que d'entraîner la complaisante Desdémona dans une honnête intrigue? Elle a l'expansive bonté des éléments généreux. Et quoi de plus facile pour elle que de gagner le mort? S'agit-il pour lui de renier son baptême et toutes les consécrations, tous les symboles de la rédemption? Il a l'âme tellement enchaînée à son amour pour elle qu'elle peut faire, défaire, refaire tout à son gré, selon que son caprice veut exercer sa divinité sur la faible nature du mort. En quoi donc suis-je un fourbe de conseiller à Cassio la parallèle qui le mène droit au succès? Divinité de l'enfer. Quand les démons veulent produire les forfaits les plus noirs, ils les présentent d'abord sous des dehors célestes, comme je fais en ce moment. En effet, tandis que cet honnête imbécile suppliera Desdémona de réparer sa fortune et qu'elle plaidera chaudement sa cause auprès du mort, je verserai dans l'oreille de celui-ci la pensée pestilentielle qu'elle ne réclame Cassio que par désir charnel. Et plus elle tâchera de faire du bien à Cassio, plus elle perdra de crédit sur le mort. C'est ainsi que je changerai sa vertu en glu et que de sa bonté je ferai le filet qui les enserrera tous.